about your love, about your... Improvise and my dad. Employé, corps, esprit, bien et conscience. esprit, bien et conscience. Planet. Yeah, yeah, yo. Ha. Thank you. aller dans le foyer. Bella, Splendes, Utsolis, Lavio. C'est la beauté. C'est la beauté. La beauté. Rhizomatic system. We are a love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it, occupant la place. C'est une petite session, une petite nuit jam session. Occupant la place, a little nuit jam session. Ok. Oh. Dans les souterrains des grandes villes, métropoles accaparant tous les vices comme Babylone, s'éloigne, s'éloigne. Reste-t-il un sujet? Un sujet, s'il vous plaît. En improvisation pour cette ninjam session, je ne saurais quelle. Sujet, quel sujet? Je suis encore un sujet, peut-être. Tu sais, truc de fou, truc de dingue, truc de psychopathe en avant. Je sais même pas si vous comprenez le français, les amis. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Alors, yes we try, yes we fail. But yes we try again, try again, try. Yes we try. We try, we try again, and we fail, just to fail. We try again to fail, try again to fail, try again to fail, just to fail better. Experiment. Experiment. Devant l'évidence de la catastrophe, ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte, ceux qui dénoncent, et nous, nous, on sort. Ceux qui dénoncent, c'est qu'on part. On s'organise face à l'adversité, face au vent mauvais, ouais. En formation, on essaye de s'organiser, ouais. Welcome, my brother, to the system. Welcome, you. Welcome, my son. There's no drones up in the sky today, but welcome, welcome, welcome. De ma cage. Pa pa pa. Ayant perdu mon temps et ma jeunesse encore, la pauvreté me suit, le souci me dévore. c'est l'heure, mon ami. Comme Joachim du Bélé au 15e siècle. On est les mêmes, on est les mêmes. C'est... Oh. C'est oh. Cher Vénus, mon ami, ne plus attendre. Accroché à la colline. Coupure dans l'espace-temps ne saurait nous distraire de notre objectif céleste. Cette ninjam session dure depuis un moment. Everything is not in its right place. Everything is not in its right place. Everything is not in its right place. Bon, allons voir d'autres amis. Venez avec moi.